pensée fait souffrir. Peu après le retour à Vergy, Stanislas Xavier, le plus jeune des enfants, prit la fièvre. Tout à coup, Madame de Rênal tomba dans des remords affreux. Pour la première fois, elle se reprocha son amour d'une façon suivie. Elle sembla comprendre, comme par miracle, dans quelle faute énorme elle s'était laissée entraîner. Quoique d'un caractère profondément religieux, jusqu'à ce moment, elle n'avait pas songé à la grandeur de son crime aux yeux de Dieu. Jadis, au couvent du Sacré-Cœur, elle avait aimé Dieu avec passion. Elle le craignit de même en cette circonstance. Les combats qui déchiraient son âme étaient d'autant plus affreux qu'il n'y avait rien de raisonnable dans sa peur. Julien éprouva que le moindre raisonnement l'irritait, loin de la calmer. Elle y voyait le langage de l'enfer. Cependant, comme Julien aimait beaucoup lui-même le petit Stanislas, il était mieux venu à lui parler de sa maladie. Elle prit bientôt un caractère grave. Alors le remords continu ôta à Madame de Rênal jusqu'à la faculté de dormir. Elle ne sortait point d'un silence farouche. Si elle eût ouvert la bouche, c'eût été pour avouer son crime à Dieu et aux hommes. « Je vous en conjure, » lui disait Julien, dès qu'il se trouvait seul, « ne parlez à personne, que je sois le seul confident de vos peines. Si vous m'aimez encore, ne parlez pas. Vos paroles ne peuvent ôter la fièvre à notre Stanislas. » Mais ses consolations ne produisaient aucun effet. Il ne savait pas que Madame de Rênal s'était mis dans la tête que, pour apaiser la colère des dieux jaloux, il fallait haïr Julien ou voir mourir son fils. C'est parce qu'elle sentait qu'elle ne pouvait haïr son amant qu'elle était si malheureuse. « Fuyez-moi, » dit-elle un jour à Julien. « Au nom de Dieu, quittez cette maison. C'est votre présence ici qui tue mon fils. » « Dieu me punit, » ajouta-t-elle à voix basse. « Il est juste. J'adore son équité. Mon crime est affreux. Et je vivais sans remords. C'était le premier signe de l'abandon de Dieu. Je dois être puni doublement. » Julien fut profondément touché. Il ne pouvait voir là ni hypocrisie, ni exagération. Elle croit tuer son fils en m'aimant. Et cependant la malheureuse m'aime plus que son fils. Voilà, je n'en puis douter, le remords qui la tue. Voilà de la grandeur dans les sentiments. Mais comment ai-je pu inspirer un tel amour, moi, si pauvre, si mal élevé, si ignorant, quelquefois si grossier dans mes façons? Une nuit, l'enfant fut au plus mal. Vers les 2 heures du matin, M. de Rênal vint le voir. L'enfant, dévoré par la fièvre, était fort rouge et ne put reconnaître son père. Tout à coup, Madame de Rênal se jeta aux pieds de son mari. Julien vit qu'elle allait tout dire et se perdra jamais. Par bonheur, ce mouvement singulier importuna M. de Rênal. « Adieu, adieu, » dit-il en s'en allant. « Non, écoute-moi, » s'écria sa femme à genoux devant lui et cherchant à le retenir. « Apprends toute la vérité. C'est moi qui tue mon fils. Je lui ai donné la vie et je la lui reprends. Le ciel me punit aux yeux de Dieu. Je suis coupable de meurtre. Il faut que je me perde et m'humilie moi-même. Peut-être ce sacrifice apaisera le Seigneur. » Si M. de Rênal eût été un homme d'imagination, il savait tout. « Idée romanesque !» s'écria-t-il, en éloignant sa femme qui cherchait à embrasser ses genoux. « Idée romanesque que tout cela ! Julien, faites appeler le médecin à la pointe du jour. » Et il retourna se coucher. Madame de Rênal tomba à genoux, à demi évanouie, en repoussant avec un mouvement convulsif Julien qui venait la secourir. Depuis 20 minutes que M. de Rênal s'était retiré, Julien voyait la femme qu'il aimait, la tête appuyée sur le petit lit de l'enfant, immobile et presque sans connaissance. Voilà une femme d'un génie supérieur réduite au comble du malheur. « Parce qu'elle m'a connu, » se dit-il. Les heures avancent rapidement. Que puis-je pour elle? Il faut se décider. Il ne s'agit plus de moi ici. Si je la laisse, si je cesse de veiller sur elle, elle lui avouera tout. Et que sait-on? Peut-être, malgré l'héritage qu'elle doit lui apporter, il fera d'un esclandre. Elle peut tout dire, grand Dieu. « Va-t'en, » lui dit tout à coup Madame de Rênal en ouvrant les yeux. « Je donnerais 1000 fois ma vie pour savoir ce qui peut être le plus utile, » répondit Julien. Jamais je ne t'ai tant aimé, mon cher ange. Ou plutôt, de cet instant seulement, je commence à t'adorer comme tu mérites de l'être. Que deviendrais-je loin de toi, et avec la conscience que tu es malheureuse par moi? Mais qu'il ne soit pas question de mes souffrances. Je partirai, oui, mon amour. Laisse-moi me punir. Moi aussi je suis coupable. Veux-tu que je me retire à la trappe? L'austérité de cette vie peut apaiser ton Dieu. Ah, ciel, que ne puis-je prendre pour moi la maladie de Stanislas? Ah, tu l'aimes, toi, dit madame de Rênal en se relevant et se jetant dans ses bras. Au même instant, elle le repoussa avec horreur. Veux-tu me permettre de rester, et que désormais je ne t'aime que comme un frère? C'est la seule expiation raisonnable, elle peut apaiser la colère du Très-Haut. Et moi, s'écria-t-elle en se levant et prenant la tête de Julien entre ses deux mains et la tenant devant les yeux à distance, et moi, t'aimerais-je comme un frère? Est-il en mon pouvoir de t'aimer comme un frère? Julien fondait en larmes. Je t'obéirai, dit-il en tombant à ses pieds. Je t'obéirai, quoi que tu m'ordonnes. C'est tout ce qui me reste à faire. Mon esprit est frappé d'aveuglement. Je ne vois aucun parti à prendre. Si je te quitte, tu dis tout à ton mari, tu te perds et lui avec. Jamais, après ce ridicule, il ne sera nommé député. Si je reste, tu me crois la cause de la mort de ton fils et tu meurs de douleur. Veux-tu essayer de l'effet de mon départ? Si tu veux, je vais me punir de notre faute en te quittant pour 8 jours. J'irai les passer dans la retraite où tu voudras, à l'abbaye de Bray-le-Haut, par exemple. Mais jure-moi, pendant mon absence, de ne rien avouer à ton mari. Songe que je ne pourrai plus revenir si tu parles. » Elle promit. Il partit, mais fut rappelé au bout de 2 jours. « Il m'est impossible sans toi de tenir mon serment. Je parlerai à mon mari si tu n'es pas là constamment pour m'ordonner par tes regards de me taire. Chaque heure de cette vie abominable me semble durer une journée. » Enfin, le ciel eut pitié de cette mère malheureuse. Peu à peu, Stanislas ne fut plus en danger. Mais la glace était brisée. Sa raison avait connu l'étendue de son péché. Elle ne put plus reprendre l'équilibre. Sa vie fut le ciel et l'enfer. L'enfer quand elle ne voyait pas Julien, le ciel quand elle était à ses pieds. « Je ne me fais plus aucune illusion, lui disait-elle. Même dans les moments où elle osait se livrer à tout son amour, je suis damnée, irrémissiblement damnée. Tu es jeune, tu as cédé à mes séductions, le ciel peut te pardonner, mais moi, je suis damnée. Je le connais à un signe certain. J'ai peur, qui n'aurait pas peur devant la vue de l'enfer. Mais au fond, je ne me repens point. Je commettrais de nouveau ma faute si elle était à commettre. » Cette grande crise morale changea la nature du sentiment qui unissait Julien à sa maîtresse. Son amour ne fut plus seulement de l'admiration pour la beauté, l'orgueil de la posséder. Leur bonheur était désormais d'une nature bien supérieure. La flamme qui les dévorait fut plus intense. Ils avaient des transports pleins de folie. Leur bonheur eût paru plus grand aux yeux du monde. Mais ils ne retrouvèrent plus la sérénité délicieuse, la félicité sans nuages. Le bonheur facile des premières époques de leurs amours, quand la seule crainte de madame de Rênal était de ne pas être assez aimée de Julien. Leur bonheur avait quelquefois la physionomie du crime. Au milieu de ces alternatives d'amour, de remords et de plaisir, les journées passaient pour eux avec la rapidité de l'éclair. Julien perdit l'habitude de réfléchir. Mademoiselle Elisa alla suivre un petit procès qu'elle avait à Verrières. Elle trouva M. Valneau fort piqué contre Julien. Elle haïssait le précepteur et lui en parlait souvent. « Vous me perdriez, monsieur, si je disais la vérité, » disait-elle un jour à M. Valneau. « Les maîtres sont tous d'accord entre eux pour les choses importantes. On ne pardonne jamais certains aveux aux pauvres domestiques. » Après ces phrases d'usage, que l'impatiente curiosité de M. Valneau trouva l'art d'abréger, il apprit des choses les plus mortifiantes pour son amour-propre. Cette femme, la plus distinguée du pays, que pendant 6 ans il avait environnée de tant de soins, et malheureusement au vu et au su de tout le monde, cette femme si fière, dont les dédains l'avaient tant de fois fait rougir, elle venait de prendre pour amant un petit ouvrier déguisé en précepteur. et afin que rien ne manquât au dépit de monsieur le directeur du dépôt, madame de Rênal adorait cet amant. Et, ajouta la femme de chambre avec un soupir, monsieur Julien ne s'est point donné de peine pour faire cette conquête. Il n'est point sorti pour madame de sa froideur habituelle. Élisa n'avait eu des certitudes qu'à la campagne, mais elle croyait que cette intrigue datait de bien plus loin. C'est sans doute pour cela, ajouta-t-elle avec dépit, que dans le temps, il a refusé de m'épouser. Et moi, imbécile qui allais consulter madame de Rênal, qui la priait de parler au précepteur. Dès le même soir, monsieur de Rênal reçut de la ville, avec son journal, une longue lettre anonyme qui lui apprenait dans le plus grand détail ce qui se passait chez lui. Julien le vit pâlir en lisant cette lettre écrite sur du papier bleuâtre et jeter sur lui des regards méchants.